Moi j'ai une amie, une féministe et une arriviste, pire que son mari. Moi j'ai une amie qui veut faire carrière dans les ministères, ceux de son mari. Moi j'ai une amie, une femme d'aujourd'hui, qui n'a plus d'atome avec son bonhomme. Moi j'ai une amie, une femme d'aujourd'hui, qui cherche l'époux à son tendre époux. Moi j'ai une amie qui veut d'un enfant s'il est pas gênant pour sa hiérarchie. Moi j'ai une amie, une écologiste qui court en cycliste devant son mari. Moi j'ai une amie, une femme d'aujourd'hui, qui n'a plus d'atome avec son bonhomme. Moi j'ai une amie, une femme d'aujourd'hui, qui cherche l'époux à son tendre époux. Moi j'ai une amie qui a plein d'amis, qui ont plein d'avis, mieux que leur mari. Sa meilleure amie, ça reste sa mère, dont elle est très fière, plus que son mari. Moi j'ai une amie, une femme d'aujourd'hui, qui n'a plus d'atome avec son bonhomme. Moi j'ai une amie, une femme d'aujourd'hui, qui cherche l'époux à son tendre époux. Des fois cet ami fume du cannabis, laissant le pastis à son cher mari. Alors cet ami rêve d'une autre vie, d'un autre pays, sans plus de mari. Moi j'ai une amie, une femme d'aujourd'hui, qui n'a plus d'atome avec son bonhomme. Moi j'ai une amie, une femme d'aujourd'hui, qui cherche l'époux à son tendre époux. Moi j'ai une amie, une femme d'aujourd'hui, qui n'a plus d'atome avec son bonhomme. Une femme d'aujourd'hui qui cherche l'époux.